Arai et Birar, le maître de la transe vous domine. Je suis Dieu, à présent. Les Illuminati 666, triangle, encore des triangles, œil, dominer le monde, Satan, Raël, Elohim.